À l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, l'association d'amitié Slovénie-Corée a inséré le 10 dans son homepage internet l'œuvre classique du président Kim Il-sung, repoussant résolument l'attaque armée des impérialistes américains.